Bonjour et bienvenue chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue dans cette émission Forum Jeunes. Chaque 1er décembre, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Au Burundi, la séroprévalence a certes diminué, mais des risques de contamination sont toujours réels, surtout chez les jeunes. Et d'ailleurs, certains trouvent que chez les jeunes, il y a certains qui ignorent toujours les moyens de protection. D'autres sont ceux qui croient que le sida tend vers la disparition au Burundi. Et d'où certaines fois il n'y a même pas besoin de protection. Que vous inspire le comportement des jeunes burundais face au sida? Comment encourager ces jeunes à continuer à se protéger? Voici les quelques points à aborder dans cette émission Forum Jeunes d'aujourd'hui. Au studio, nous avons comme invité Mademoiselle Audrey Inarukundo, membre fondateur du réseau national des jeunes vivant avec le VIH-Sida, et vous êtes également psychologue dans ce centre. Oui, oui. Et je ne peux que vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Et à vous tous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler dans cette émission au 22 24 66 02 ou 22 25 43 75. Avec le mobile, vous pouvez utiliser le réseau Onamob Léo. Onamob, c'est 77 357 792, réseau Econet 76 083 933. Au micro, vous êtes avec moi, Pacifique Chubairo, à la technique, François Akimana. À vous tous, encore une fois, bienvenue. Voilà, mademoiselle Audrey, dans l'introduction, je parlais d'une certaine séroprévalence qui a diminué. Je pense que je n'ai pas tort à ce point. Non, non, c'est la vérité. De nos jours, la séroprévalence a diminué, mais nous ne pouvons pas dire que ça a beaucoup, beaucoup diminué, mais de nos jours, nous observons toujours des contaminations qui s'observent ici et là pour dire que... Les gens ne se protègent pas comme il faut. Ils prennent le sida comme le virus du sida comme quelque chose de simple. Je pourrais dire comme ça. Aujourd'hui, combien de points avons-nous gagné en termes de diminution de cette séroprévalence? Est-ce qu'on dirait que chez les jeunes, on a quand même un taux qui est satisfaisant par rapport à cette diminution? Nous pouvons le dire comme ça, mais vous savez que la grande majorité de la population burundaise est composée de jeunes. Donc, parmi les chiffres que nous avons, c'est toujours les jeunes qui viennent en premier lieu. Donc, même si la séroprévalence a beaucoup diminué, nous observons également ce taux, mais qui n'est pas beaucoup plus élevé, je pourrais dire. Et justement, vous occupez beaucoup des jeunes, autant les jeunes séropositifs que les jeunes qui n'ont pas encore atteint par le virus. Dans l'ensemble, quelles sont les perceptions des jeunes aujourd'hui par rapport au VIH-Sida? Prennent la maladie comme une maladie contre laquelle il faut absolument se protéger? Si je peux dire oui. Les jeunes de nos jours, ils prennent le VIH, ce ne sont pas seulement les jeunes, mais la plupart de la population prennent le VIH comme étant une maladie comme les autres. Donc, l'attention arrêtée à l'égard de ce virus par rapport aux années antérieures, elle n'est plus de nos jours. Donc, il ne donne pas beaucoup plus d'attention au VIH de nos jours. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils sont découragés ou quoi, mais de nos jours, nous voyons les jeunes, ils prennent le VIH comme étant d'autres maladies. Prendre le VIH-Sida comme une maladie comme les autres, oui. À mon avis, et c'est un avis que je vais partager avec beaucoup de personnes qui peuvent dire, si aujourd'hui le VIH-Sida est pris comme une maladie comme les autres, on a risque de voir des jeunes qui se laissent faire et du coup tomber dans le piège et contracter le VIH-Sida. Alors qu'avant, on avait peur absolument parce qu'on pouvait voir directement une personne qui souffre du VIH et toutes ces conséquences qu'on pouvait remarquer chez la personne souffrante. Oui, les jeunes de nos jours, je dirais qu'ils sont négligents. Ils se fient beaucoup aux apparences, alors que nous avons couramment l'habitude de dire que les apparences sont trompeuses. Maintenant, nous avons le traitement antirétroviral. Donc, si la personne qui est séropositive prend correctement ce traitement, tu ne peux pas le remarquer comme dans les années antérieures. Donc, les jeunes se négligent beaucoup. C'est plus un risque pour les jeunes. Oui, oui, parce qu'ils se négligent beaucoup. Ils voient une personne en bonne santé parce qu'ils utilisent leurs yeux pour faire le dépistage, si je me permets de le dire, alors que la personne en question était séropositive. Donc, il y a négligence, ils se fient beaucoup aux apparences plutôt que se fier aux résultats des tests. Donc, il y a beaucoup de négligence chez les jeunes parce que les personnes séropositives de nos jours, ils n'ont aucune différence par rapport aux autres personnes, disons, saines. Et ça vaut pour le monde urbain autant que le monde rural. C'est ça. Pour le monde urbain que le monde rural, il se fie beaucoup aux apparences. Mais si on essaie d'aller un peu plus loin dans le fin fond du Burundi, on trouve que des jeunes ont du mal à connaître certains moyens de protection, notamment l'utilisation des préservatifs, par exemple pour les hommes, où on voit qu'il y a des régions effectivement qui n'ont pas assez d'informations par rapport à ces moyens de protection. Est-ce que vraiment tout le Burundi aujourd'hui a été couvert en termes de sensibilisation? Je pourrais dire que ce n'est pas tout le Burundi qui a été couvert en termes de sensibilisation parce que nous-mêmes, le réseau national des jeunes vivant avec le VIH ne couvre pas tout le territoire burundais. Mais sur 17 provinces, nous couvrons 14 provinces. Donc, pour dire que tout le Burundi n'a pas eu ces séances de sensibilisation. Donc, je pourrais dire que ça devait être une recommandation pour le gouvernement, si je me permets de le dire, pour le gouvernement. Oui. On va y revenir, surtout par rapport à ces recommandations. Mais au niveau de ces jeunes, quand vous leur dites d'utiliser des préservatifs, et pour d'autres personnes, surtout quand il faut dire que mieux, c'est toujours... ne pas faire des rapports sexuels. Est-ce que aujourd'hui, avec les conceptions actuelles, est-ce que c'est facile de faire passer le message? Pour nous, dans notre réseau, c'est facile parce que notre réseau, nous avons un centre convivial qui donne des services aux jeunes et ces services sont offerts par les jeunes. Donc, le centre-ville ici à Bujumbura, c'est beaucoup plus facile à donner ces sensibilisations, à donner ces services aux jeunes. Mais comme vous l'avez dit, dans le fin fond du pays, je ne pourrais pas dire que c'est difficile parce qu'il y a des centres de santé amis des jeunes qui sont là pour aider les jeunes en matière des droits sexuelle et reproductive. Donc, les jeunes, je pourrais dire, s'ils ne participent pas, c'est de leur propre gré, mais les services sont là pour eux. Voilà, les services sont là pour eux, mais toujours, il y a des défis pour les jeunes. On a parlé ces derniers jours des phénomènes de Mami Sugar et Daddy Sugar, et aussi un moyen qui souvent entraîne les jeunes à faire des rapports sexuels, et du coup, et surtout qui, des fois, sont dangereux pour eux. Un phénomène pareil chez vous, c'est fréquent, ça revient dans vos discussions. Comment vous analysez cette situation? Comme je l'ai dit, dans notre réseau, nous organisons des séances de sensibilisation, des séances entre parents et enfants pour les amener à parler, à entamer ce sujet jugé de tabou jusqu'ici. Donc, si les parents parlent avec leurs enfants, je crois que ce phénomène de Mami Sugar ne serait pas là. Vous en riez, mais peut-être que vous en savez quelque chose par rapport à ce phénomène. Au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, surtout ici à Bujumbura? Au regard des témoignages des jeunes et ce qui pourrait les amener à faire une relation entre jeunes et une personne âgée comme un homme ou une femme, qu'est-ce qui se passe? Comment se passe le phénomène au regard des témoignages que vous avez recueillis? Je pourrais dire que ce phénomène est entraîné par la pauvreté qui règne de nos jours. Donc, cette pauvreté entraîne ces jeunes à chercher des moyens faciles. Et si cette Mami Sugar vient te propose de l'argent, alors que toi, tu en avais besoin pour payer, disons, tes études, donc tu ne vas pas refuser. Ça, c'est sûr, tu ne vas pas refuser. Mm-hmm. Et c'est comme ça que les jeunes entrent dans ce phénomène. Donc, quand ils voient que quelqu'un lui donne de l'argent, donc il va pas penser beaucoup sur son avenir, mais il va dire, voilà, je viens de trouver qui va me payer de l'argent pour mes études. Donc, je m'en fiche de son état de santé, je m'en fiche de savoir si elle est ou il est séropositif. Donc, moi, ce que d'ailleurs, je veux... Surtout qu'on n'est pas dans une bonne position pour négocier. D'accord. On est soumis. Oui, oui. Donc, il va accepter et prendre cet argent. Et comme ça, il sera entraîné dans ce phénomène. Et malheureusement, beaucoup de gens qui font ça, si on essaie de voir, ce sont des personnes séropositives, si on essaie de voir, entre guillemets, oui. Voilà, donc les risques sont là. Et je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans l'émission Forum Jeune. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez nous appeler au 22 24 66 02 ou 22 25 43 75. Et au micro, c'est Pacifique Chubairo. J'ai comme invité Audrey Inarukundo. Elle est membre fondateur du Réseau national des jeunes vivant avec le VIH-SIDA. Et je vous rappelle que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et nous nous focalisons aujourd'hui sur les jeunes où les risques de contamination sont toujours une réalité vu les difficultés ou les défis de la vie quotidienne. Madame Audrey. Mademoiselle. Je m'excuse. On a, dans les derniers temps, on a vu qu'il y avait quand même des efforts conjugués, autant du gouvernement, des associations qui sont indépendantes, où ils focalisaient leurs efforts à sensibiliser, à faire de plaidoyer pour justement lutter contre le VIH-SIDA. Mais aujourd'hui, on voit peu d'efforts. Est-ce que cela ne peut, d'un autre côté, montrer aux jeunes que ce n'est plus un problème du fait que ces activités ne sont pas menées et considérer que le VIH-SIDA en soi est presque en voie de disparition? Je crois que c'est l'une des raisons qui amène les gens à penser que le SIDA n'est plus un problème. Donc, comme vous venez de le dire, on observe peu d'efforts dans ce domaine de lutte contre le sida de nos jours. Et les gens vont par là penser que ce n'est plus un problème alors que ça l'est. Donc le VIH, il est toujours là. Ouais. Les gens devraient se mettre en tête que ce virus est toujours là. Donc nous devons tous nous lever pour contribuer dans la prévention du VIH. Nous devons tous conjuguer nos efforts pour éradiquer ce fléau. Mais qu'est-ce qui s'est fait qu'aujourd'hui il y a peu d'activité? En soi, c'est un consensus au niveau national que désormais nous allons diminuer ces activités de sensibilisation, tout simplement à ce travail a été relégué au niveau des centres de santé, par exemple. Je crois que beaucoup d'efforts ont été conjugués dans la prise en charge, beaucoup plus que dans la sensibilisation, dans la prévention. Donc, le gouvernement a beaucoup plus appuyé dans la prise en charge que dans les sensibilisations. Donc, ils ont fait des sensibilisations. Le gouvernement a aidé à faire des sensibilisations et les gens se sont fait dépister ici et là. Mais il n'y avait pas des structures de prise en charge. Et je crois que c'est dans cette optique que le gouvernement a opté pour l'autre option de la prise en charge de ces personnes vivant avec le VIH. Et du coup, le côté sensibilisation, on dirait qu'on l'a oublié. Mais on devrait toujours sensibiliser pour amener les gens à voir que le sida est toujours là, le virus. Au niveau des écoles, dans les cours de civisme, on avait fait un programme par rapport à l'éducation sexuelle, à la lutte contre le sida et à la protection contre le VIH. Est-ce qu'aujourd'hui, les programmes ont été renforcés ou tout simplement ces programmes n'existent plus parce que les programmes de civisme, ça paraît, ça disparaît, ce n'est pas constant. Aujourd'hui, on enseigne souvent la prévention contre le VIH dans les écoles. Quel est votre constat? Je crois que dans les écoles, surtout avec ce programme de l'école fondamentale, on a intégré des cours qui parlent du virus et de la santé sexuelle reproductive. Mais comme nous savons, nous tous, quand on apprend une chose, quelque chose par une personne qui est beaucoup plus âgée que toi, ça passe pas. Donc, si c'est un jeune comme toi qui te l'apprenne, ça passe beaucoup plus vite. Et pour nous, pour notre réseau, nous organisons des séances de sensibilisation et même nous faisons des descentes sur terrain dans ces écoles, surtout dans les clubs Stop Sida, pour renforcer. Qui existe encore? Oui, mm-hmm. dans certains établissements. Mm-hmm. Oui, pour renforcer les connaissances, renforcer des connaissances des élèves sur ce qu'ils ont appris à l'école. Mais aussi, le RNG Plus a un centre convivial et dans ce centre, comme je l'ai dit, les services sont offerts par les jeunes. Nous organisons des séances de sensibilisation, des groupes de parole et nous invitons des jeunes qui sont là pour apprendre pour beaucoup plus apprendre sur le VIH, ce qu'ils ne connaissent pas, poser des questions. Et après, s'ils veulent se faire dépister, ils s'en font dépister sur place. Et s'ils veulent un autre conseil ou une autre orientation, il y a des personnes qui sont là pour les aider. Donc, le RNG Plus appuie beaucoup plus les jeunes et nous recevons beaucoup de messages et beaucoup de témoignages qui disent que le centre a beaucoup aidé, a beaucoup contribué pour les jeunes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, demain, tu peux croisé un article qui parle un peu de vaccins contre le sida et tantôt la découverte d'un médicament contre le sida. Est-ce que ces informations sont vraies ou pas? Parce qu'un jeune peut prendre ça comme prendre ça pour du vrai et penser qu'il y a un vaccin contre le sida. Est-ce que ce vaccin existe? Est-ce qu'il y a un médicament contre le sida? Pour le moment, il n'y a pas de médicament contre le sida, mais c'est le traitement antirétroviral, comme je l'ai dit. Donc, ça ne guérit pas complètement. Donc, les jeunes peuvent voir ça comme si c'était vrai, mais tant que nous ne l'avons pas ici au Burundi, comme les autres médicaments antirétroviraux qui sont là. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est vrai. On parle d'un médicament qui guérit. Non, ça ne guérit pas, je l'ai dit. Mm-hmm. Pour le moment, on n'a pas confirmé qu'il y a de médicaments qui guérit le sida. Et par rapport au vaccin? Par rapport au vaccin, je crois que ce sont des... C'est confirmé, c'est une expérimentation. Quelle information avez-vous par rapport à ça? Ce n'est pas encore confirmé, non. Est-ce que de telles fausses informations, entre guillemets, même s'il n'y a jamais de fausses informations, ces rumeurs par rapport au vaccin, aux médicaments, est-ce que ça ne peut pas contribuer à ce que les jeunes puissent croire que cette fois-ci, ils ont un faveur pour faire n'importe quoi? Oui, ça peut contribuer. Même si ce n'était pas ce vaccin, nous savons qu'il y a certaines croyances qui disent que le VIH guérit. Donc, nous avons observé beaucoup de cas dans notre réseau des jeunes qui ont abandonné leurs médicaments, qui ont abandonné leur traitement, soi-disant qu'on a prié pour eux et qu'ils ont été guéris du VIH. Mais quand ils retournent faire le dépistage, donc ils voient que c'était pas vrai. Donc, dans notre réseau, nous croyons, mais tant que ce médicament qui guérit n'est pas encore là, nous disons que c'est... Donc, vous faites face à certaines croyances qui peuvent être d'origine religieuse. Oui, oui. Et c'est fréquent ou ça apparaît dans quelques régions? Je ne pourrais pas dire que c'est fréquent parce que nous avons observé jusqu'ici 10 cas des jeunes qui avaient arrêté de prendre leurs médicaments, soi-disant qu'ils ont été guéris, qu'on a prié pour eux. Mais après nos conseils, après notre apport psychologique, nous leur avons montré que ce n'était pas vrai, même s'ils croyaient, ils devraient continuer à prendre le médicament, que rien ne va changer. Voilà, nous sommes vers la fin de cette émission. Au regard de tous ces défis pour les jeunes, de toutes ces tentations qui sont derrière la vie d'un jeune, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à ces jeunes pour les encourager à se prévenir contre le sida? Donc, les jeunes ne devaient pas se négliger. Ils devraient plutôt prendre leur santé au sérieux, parce que quand on est malade, on ne peut pas travailler. Pour ceux qui ont ce virus dans leurs veines, ce que je pourrais leur conseiller, c'est de prendre correctement le médicament comme l'a prescrit leur médecin. Comme ça, ils auront une bonne santé. Personne ne pourra savoir s'ils sont séropositifs ou pas sans qu'ils le disent eux-mêmes. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait le test, le dépistage, je leur conseillerais de faire le dépistage le plus tôt possible. Parce que comme on aime le dire dans notre réseau, celui qui n'a pas encore fait le dépistage, celui qui est séropositif. Donc, il ne sait pas sa santé. Il met en danger les autres, mais celui qui a déjà connu sa séropositivité, il protège les autres. Et je pourrais aussi leur dire de s'abstenir. C'est le seul moyen de se prévenir contre ce virus, le seul moyen sûr est de se prévenir une fois que l'abstinence n'a pas réussi pour eux. Ouais. Voilà, c'est sur ces derniers conseils que nous mettons un point final à cette émission Forum Jeunes. Je vous rappelle que nous parlions de la protection des jeunes contre le sida. Au micro, avec comme invité, nous étions avec Mademoiselle Audrey Inarukundo, du membre fondateur du réseau national des jeunes vivant avec le VIH-Sida. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Au micro de cette émission, comme animateur, vous étiez avec moi, Pacifique Chouaïro, à la technique, François Akimana. À vous tous qui avez suivi cette émission, je vous donne un rendez-vous prochain à lundi à partir de 17h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Les émissions continuent sur la radio Sangani.